Et tous ces inconnus qui glissent sur le trottoir ombré d'une journée qui s'inaugure et qui s'évanouit devant la vie qui s'impatiente. Inconnus, traversant des Amazonies secrètes où, devenus voyageurs, ils rêvent qu'on prononce leur nom. Inconnus d'ici, d'ailleurs, de partout, extravagants. Inconnus se tenant à l'entaille des baisers. Elle, Elsa, extirpée d'une nuit inachevée et dont le feu s'éteint sous sa robe, le vent la dépouillant de ses dernières peaux de tendresse. Inconnu, lui, Aragon, ridicule, prêtant un serment nuptial par-delà un ciel sans nuages. Inconnu s'amarrant au précipice d'une nuit irraisonnée. Elle, noyée dans une robe de mariée qui pourtant caresse un bassin trop large d'une promesse natale. Ses lèvres redessinées, carmine. L'allure d'une maquerelle rêvant à l'improbable qui s'abreuverait de son lait de tendresse. Inconnu, obstiné en son courage, lui, derviche ridicule, pivotant sur lui-même, aveugle avançant d'un pas impubère, mendiant sur le trottoir ombré où capitulent des étreintes scellées dans une obscurité autrefois complice. Et tous ces inconnus, indifférents comme une passée d'oiseaux, masquant comme définitivement des visages successifs qui furent leurs œuvres, comme dans un poème d'Albert Camus, inévitablement. Inconnue, elle, bordant sa présence d'un cri, dans un vent indéfinissable mouchetant l'herbe ondoyante, cri pourfendant le corps de l'amant d'une passion impérieuse. Mais tous ces inconnus glissant sur le trottoir ombré d'une journée qui s'inaugure n'en ont que foutre, indifférents qu'ils sont à ce pollen, ça profite. Ce cri aimant le corps pourfendu. Mais par où puis-je aller? De traverse? Thank you. inconnu. Lui, Rimbaud, se balançant comme si un mort l'habitait, traçant le trajet d'un somnambule qui passerait du rêve au cauchemar, mais comme imperceptiblement. Lui, Rimbaud, bordant sa présence d'un cri, dans le bruissement calme et hardi d'une débauche de pluie, cri s'obstinant à travers la vitre des convenances. « Ne me laisse pas seul !» Un cri comme mendiant une échancrure, un souffle, dans le hurlement compulsif de leur indifférence. Inconnu, traversant un reflet inconvenant ou parfois devenu vivant, et il rêve que les fleurs sourient et les fleurs chantent, comme dans un poème de Fernando Pessoa. Connu, à ce temps des parures nouvelles comme autant de promesses intactes. Et parmi ces inconnues, celle-ci, Nadja, déclarant « J'aimerais pouvoir lire ce que vous écrivez en moi et entretenir avec vous un rapport d'exquisité. » Inconnu traçant des cercles sur la poussière des nuits qui menacent. Ou bien éveillant des dormeurs solitaires d'une main légère et précautionneuse, inconnue encore, inventant des fabulations où le drame parfois devient comédie puisque le monde est leur rêve, ou même brouillant les pistes des assoiffés d'azur, leurs frères éclaboussant la lumière, balisant des ombres invisibles et nues. Inconnus, produisant des chimères et déclarant ceci. Nous sommes tous des groupuscules, comme une figure de Félix Guattari, inévitablement. Connu ne faisant que quoi? Que marcher et courir, ou rester là, scrutant les lèvres et les mots d'où jaillira une débauche de particules phosphorescentes caressant cette phrase. Il faudrait du bonheur pour faire péter tout ça. Mais dans le brouhaha de leurs vies emmêlées, ils savent que déjà les silhouettes noyées de sommeil ont bu le sang des hommes. À vrai dire, ils ont les larmes aux yeux, comme des inconnus glissant sur une terre de grande adversité. Et tous ces inconnus assortissent leurs ardeurs au terminus du hasard, qu'on pourrait dire comme égayé d'un noir différent, presque transparent. Image enfin juste d'un cauchemar, lessivé de façon désordonnée. inconnu. Condamné à glisser sur le trottoir ombré d'un vieux cimetière, cherchant la trace ou les restes d'une idée multicolore comme conduire un morceau de banquise vers l'équateur. Inconnu, héritier tardif d'un monde d'ombre et de lumière, égrenant les diverses hypothèses possibles, trois exactement. D'abord, ensuite, et puis enfin. Comme une figure de Serge Danet. Inévitablement. Inconnu. Fourbu. Harassé. Hagard. Demeurant dans l'orage de contemplations infantines et se découvrant convaincu que trop d'eux cohabitent et coexistent simultanément pour qu'il puisse y avoir encore de la place pour la raison. Comme une figure de Bernard-Marie Coltès. Inévitablement. Et parmi eux, elle, inconnue, Anna, épuisée d'avoir voulu labourer la mer, écrivant une ultime lettre douloureuse lestée d'un certain poids de menace, écrivant ceci. Préparez-vous à la solitude. Inconnu, conservant l'équilibre des pas au dernier pont des fuites, les pieds somnolents dans les décombres de printemps perdus, ces utopies funestes. Inconnu, laissant l'indécence des mots encombrer le trottoir de Morène comme autant de tortionnaires de passage. Mais à vrai dire, ils ont les larmes aux yeux. Ces inconnus glissant sur le trottoir d'une journée qui... Alors demain peut-être, ils marcheront comme on murmure, de traverse.